Exercice 9. Exprimez la conséquence. Transformez. Exemple. Il a beaucoup plu cet automne-là. Les rivières ont débordé. C'est la raison pour laquelle les rivières ont débordé. À vous. Le trafic a été interrompu. C'est la raison pour laquelle le trafic a été interrompu. Les habitants ont dû quitter leur maison. C'est la raison pour laquelle les habitants ont dû quitter leur maison. On a dû faire appel à l'armée. C'est la raison pour laquelle on a dû faire appel à l'armée. Les enfants n'ont pas pu aller à l'école. C'est la raison pour laquelle les enfants n'ont pas pu aller à l'école.